والصلاة والسلام على رسول الله على صاحب السيرة العطرة. Au retour de Khaybar, les émigrants, ils ont rendu les palmiers, ce qu'ils... parce que quand les muhajirines, quand les Mekwa, les Quraysh ou les gens qui étaient avec le prophète à la Mecque, ils ont émigré, les auxiliaires, les Ansar, les Médinois, ils ont partagé leurs biens avec quand le prophète il a fait qu'il y ait une fraternité entre les Ansar ou les muhajirines, les Mu'akhat, fraternité. Ils ont partagé tous leurs biens. Maintenant que les immigrants, ils ont une part du butin, ils ont rendu les biens aux Ansar. Et ils sont maintenant plus indépendants. Et le prophète sallam, il a dépêché Ibn Awana ou Sawad Ibn Ghaziya pour être l'émir de Khaybar. Maintenant, les émirs et tout, pour Fadek ou Khaybar, les émirs sont des émirs musulmans. C'est eux qui appliquent la loi d'Allah sur ces gens-là, sur les juifs. Maintenant, le sort de Khaybar. Le sort de Khaybar, qu'est-ce qui s'est passé? Les juifs de Khaybar sont restés jusqu'à la khilafa de Omar. Bon, dans cet intervalle de temps, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont trompé les musulmans, ils ont essayé de corrompre Abdullah ibn Rawaha, parce que c'est lui que le prophète sallam a envoyé pour prendre la moitié des récoltes. Ils ont voulu le corrompre. Et puis, à l'époque de la khilafa de Omar, radiallahu anhu, ils ont jeté Ibn Omar, son fils, ils l'ont jeté du haut d'une maison. Et il s'est cassé les deux bras. Ils ont fait beaucoup de choses qui a fait que Omar n'a pas pu les supporter. Puis il a dit, ramenez-moi tous ceux qui ont participé à Khaybar, les musulmans qui ont fait le jihad et les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais partager le butin. Les juifs, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ça y est, il va nous expulser, ça y est, parce qu'il va partager. Les juifs n'ont aucune... maintenant, ils n'ont aucun droit à Khaybar. Et ils dépêchèrent leur président, il alla voir Omar radiallahu anhu, et Omar il a dit, écoute, tu crois qu'il m'est échappé ce que t'a dit l'envoyé d'Allah? Tu sais ce que tu as dit, je me rappelle bien de ce qu'il t'a dit. Il t'a dit comment tu vas être le jour où ta monture va t'emmener en dansant jusqu'au Cham. Maintenant tu te dégages avec toute ta troupe, et il a expulsé tous les juifs de Khaybar, C'était Omar radiallahu anhu. Le hadith il est rapporté par le Bayhaqi à Abu Daoud. Donc, les leçons à retenir, il est autorisé de sortir le mois sacré pour combattre durant un mois non sacré, ou un mois où c'est autorisé de combattre. Le prophète sallam, il est sorti de Médine pour combattre Khaybar, le mois, c'était le mois de Muharram. Le mois de Muharram et le mois de Muharram, c'est un mois sacré où il est interdit de combattre. Mais lui, il est sorti le mois de Muharram pour arriver à Khaybar le mois de Safar. Et le mois de Safar, il est autorisé de combattre. Donc il est autorisé de sortir en voyage, en expédition, durant un mois pour atteindre la destination du jihad, durant un mois non sacré. Et il y a autre chose, c'est qu'on peut manger la nourriture des gens du livre. Et il y a autre chose aussi, si une armée est arrivée en retard avec l'intention de combattre, l'émir il a le droit de lui donner une part du butin. Et l'interdiction de la viande des ânes domestiques. Et l'interdiction de quoi encore? De zawaj al-mut'a, le mariage temporaire. On a parlé, on en a parlé la semaine dernière, que c'était, il y a hadith, le prophète sallam l'a interdit jusqu'au jour dernier. Haramun ila yawm al-qiyama. D'accord? Et qu'on a dit aussi que Ja'far Sadiq, le fils de Muhammad al-Baqir, qui font partie de la descendance du prophète, qui font partie de Ali, quand on posa la question à Ja'far Sadiq à propos du zawaj al-mut'a, du mariage temporaire, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il n'est autre que la fornication. Donc ceux qui s'accrochent à Ahl-Bayt, ceux qui s'accrochent à la famille du prophète, Et finalement, c'est nous qui nous accrochons à eux, et c'est nous qui sommes proches d'eux, parce que nous ne nous montons pas sur eux, et nous les aimons, et on sait qu'ils ont une part de respect, ils ont une part de d'amour qui est supérieure au commun des gens. D'accord ? Donc, Ahl Bayt, ils ont une part dans notre cœur. Donc, ceux qui se prétendent les suivre, ça c'est une leçon. Ça, c'est une preuve contre eux, parce que Ja'far Sadiq lui-même, il a dit que c'est de la fornication. Donc, les gens doivent faire attention, surtout les femmes, ils doivent faire attention de ne pas se faire avoir avec des gens, par des gens innovateurs, par des gens égareurs. Il est haram le mariage temporaire. Il est autorisé aussi de faire un compromis avec l'ennemi, une ma'ahd. D'accord, comme ce qu'a fait le prophète sallam avec Khaybar, avec Fadak, avec Wadi al-Qura, avec Taïma. Et il y a aussi autre chose, on peut déduire la prière après le Fajr, on peut faire les deux surrogatoires. Et il est autorisé, comme j'ai dit, de manger la nourriture des gens du livre. Le prophète sallam, il a mangé la viande, l'agneau rôti. Bon, il a été empoisonné, mais ça veut dire qu'il est autorisé de manger leur nourriture et les choses qu'il a. Et d'accepter leur cadeau, le hadiyah. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté l'agneau rôti. Donc il est permis d'accepter un cadeau venant d'un juif ou d'un chrétien. S'il n'y a pas derrière ça de la corruption ou autre chose. Et il est autorisé de se marier durant le voyage parce qu'il s'est marié il s'est marié avec sa fille, radiallahu anha. Et il y a autre chose aussi qu'on peut déduire, c'est que le prophète sallam, il enseignait, c'est un enseignant. Regardez ce qu'a dit Asma bint Umais, et quand il a répondu à Omar ibn Khattab, il a dit, il exhortait votre ignorant. Ça veut dire que le prophète sallam, il exhortait, il enseignait les ignorants. D'accord ? C'est un enseignant. Et c'est le plus savant. Aïcha radiallahu anha, il a dit quand Khaybar fut ouverte, on s'est dit, maintenant on peut manger à notre fin de date. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit, radiallahu anha, la famille de Mohammed n'a jamais mangé à sa fin du pain de blé 3 nuits consécutives depuis son arrivée à Médine jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du prophète. Comment ils ont les épreuves qu'ils ont endurées. Parce que les épreuves, ils ont beaucoup d'effets sur le cœur, sur la personnalité de la personne, sur sa foi. Bon, après ça, maintenant le fief, cette aile a été cassée par le prophète sallam. Parce que les juifs, ils étaient à Khaybar, et ils menaçaient beaucoup le prophète sallam. Après le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Abu Bakr à Bani Fazara. Maintenant, la trêve avec Quraysh. Il les a calmés, il les a isolés, il a cassé les juifs, et l'autre clan, c'est quoi? C'est Ratafan et Fazara. Parce que l'Ahzab, c'était 3 grands clans. C'était Bani Murra, Fazara, Ratafan, et c'était les juifs, et c'était Quraysh. Bon, les juifs cassés, Quraysh isolés, maintenant il reste la menace qui vient de l'ouest. Qui vient de Ratafan. Il a envoyé Abu Bakr radiallahu anhu à Fazara pour aller les punir parce qu'il faisait partie des coalisés, des Ahzab. Et Abu Bakr, il les a attaqués, il a ramené beaucoup de captifs et du butin à Médine. Puis il y a une autre Sariya, une expédition qui s'appelle Sariyat Ghalib al-Layti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition vers le Haruqat, une région qui s'appelle le Haruqat. De Juhayna, Haruqas min Juhayna, une région qui fait partie d'une grande région qui s'appelle Juhayna, sous le commandement, comme j'ai dit, de Ghalib ibn Abdillah al-Layti. Et le matin de bonne heure, ils les ont attaqués, la confrontation avec les associateurs et la fait rage. Et l'un des associateurs, c'était vraiment un des héros, il a fait malheur aux musulmans. Il blessait, tuait tous les musulmans qui passaient à côté de lui, et quand les associateurs ils veulent fuir, c'est lui qui les raffermissait, c'est lui qui les encourageait de revenir et de continuer le combat. Et Oussama, quand il a vu ça, toute la journée, il tuait, il blessait, il se lança à sa poursuite. et il leva l'épée. Il était à côté d'un autre compagnon et ils levèrent tous les deux l'épée. Et puis cet homme-là, quand il a vu l'épée, ça y est, sa tête va être coupée, il a dit « La ilaha illallah ». Et puis Oussama, l'autre, l'Ansaret qui était à côté de lui, il a rengainé son épée. Et Oussama lui a coupé la tête, il n'a pas pardonné, trop tard. C'est comme s'il lui a dit trop tard. Toute la journée, tu blesses et tu tues les musulmans, ce n'est que maintenant, sous l'épée, que tu dis « La ilaha illallah ». Et là, malgré cette proclamation, Oussama ne l'a pas pardonné, il le tua. Et puis dès que la troupe fut arrivée à Médine, elle fit le récit. Parce que bon, quand il arrive à Médine, durant une expédition, l'émir, il fit le récit de tout ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, voilà ce qu'a fait Oussama, voilà ce qu'a fait Oussama. Oussama, il rentra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, salam alaykoum. Et puis Oussama, il dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé de couleur, et puis il a dit, pourquoi tu l'as tué? Il a dit, envoyé d'Allah, il a endolori les musulmans, on a tué un tel, il commence à nommer les compagnons qu'il a tués. Il a dit, c'est alors que je l'ai chargé, quand il vit l'épée qu'il a dit, la ilaha illallah. Et le prophète sallam, il a dit, et tu l'as tué? Il a dit, envoyé d'Allah, il vient de tuer beaucoup de musulmans. Il l'avait dit que pour éviter l'épée, que pour éviter d'être tué. Et le prophète sallam a dit, as-tu fendu son cœur en deux pour voir s'il l'a fait par peur ou s'il l'a fait par soumission? As-tu fendu son cœur? Et puis Oussama, touché par ce qu'a dit le prophète sallam, il a dit, envoyé d'Allah, prie Allah de m'absoudre, prie Allah de me pardonner. Et le prophète sallam a dit, quelle sera ton excuse devant la ilaha illallah? Et il nous cesse de répéter la ilaha illallah. Il lui a dit, quelle serait ton excuse devant la ilaha illallah? Quelle serait ton excuse devant la ilaha illallah? Il la répète, il la répète, il la répète, jusqu'à ce que Oussama, radiallahu anhu, il a dit, j'aurais voulu n'être entré en islam que ce jour-là. Il a dit, j'aurais voulu n'être entré à l'islam parce que l'islam, il démolit les péchés qui ont précédé. Et il a dit, quand il y avait le conflit entre Muawiyah et Ali, il a dit, je sais que Ali a raison, mais j'ai juré de ne plus tuer un musulman, de ne plus combattre un musulman. Donc c'est une leçon à retenir, de ne pas juger l'extérieur, de ne pas juger l'intérieur des gens, on juge l'extérieur. On ne juge pas les intentions des gens. On ne dit pas que telle personne, il est intérieurement, ou il a l'intention de faire ça, il n'aime pas ça, il haït ça. On ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur du cœur. On juge l'extérieur. On juge les actes. Donc, celui qui dit la ilaha illallah, du moment qu'il le dit, on juge l'extérieur. Il est musulman. Tant qu'il ne fait pas un acte de mécréance, tant qu'il ne fait pas un acte de mécréance, piétiner le Coran ou invoquer les morts, ou un acte extérieur qui confirme comme quoi la personne est tombée dans la mécréance. Sinon, on juge l'extérieur des gens. On juge l'extérieur. Et il y a une remarque à faire, c'est que le prophète sallam, il n'a pas appliqué la loi du talion, c'est ce qu'on appelle qissas sur Oussama. Il n'a pas exigé de lui qu'il donne le prix du sang à la famille, parce que si un musulman il tue involontairement un musulman, il doit payer le prix du sang. Ça veut dire qu'il doit, ou bien on tue ce musulman parce qu'il a tué par la loi du talion, ou bien on prend ce qu'on appelle dia. Hein? Il n'a pas pris, il n'a pas appliqué la loi du talion et il n'a pas donné le prix du rançon parce que le prix du sang parce que Oussama ibn Zayd il a mal compris. Il a mal compris, il a dit que peut-être cette personne il l'a fait juste parce qu'il a peur de l'épée. Al-Khattabi, rahimahullah, il a dit que peut-être qu'il s'est trompé en se référant au verset فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا. Leur foi ne leur est d'aucune utilité quand ils ont vu notre châtiment. Peut-être qu'il a mal interprété ce verset-là. Il a dit que sa foi, ça lui aura d'aucune utilité du moment qu'il a vu maintenant l'épée sur sa tête, etc. Donc, c'est l'un des obstacles de l'application de la loi. Une loi ne doit être appliquée que si on requiert toutes les conditions et tous les obstacles et ils sautent. Par exemple, si on veut couper la main d'un voleur, il faut que ce voleur soit bon, soit conscient, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que la chose qu'il vole, il ne soit pas une chose qui est rudimentaire, qui n'a aucune valeur. On ne coupe pas la main d'une personne parce qu'il a vendu quelque chose qui coûte 100 francs, 50 ou 200, on ne la coupe pas. Parce que c'est un obstacle à l'application de la loi. Hein? Aïcha, radiallahu anha, il dit, le professeur Salman, les compagnons, ne coupez pas pour les choses qui insignifiant. Il y a autre chose, la famine. C'est que si le pays il vit dans la sécheresse, on a vu quelqu'un voler, d'accord, la loi elle est là, elle doit s'appliquer. Mais il y a un obstacle à la loi, c'est quoi? C'est la famine. Donc c'est ce qu'on appelle shurut wal mawani'. D'accord. Omar ibn Khattab, quand il a vu à son époque, il y avait l'Am al-Ramada, quand il y avait la sécheresse, c'est qu'il a vu des gens voler, ils ont volé une bête, je ne sais pas, c'est un chameau, il n'a pas appliqué, il leur a pas coupé la main, parce que c'était la famine. Et Omar ibn Khattab, il a fait quoi? Il a appliqué la loi d'Allah. La loi d'Allah, il veut dire que tu ne coupes pas, parce qu'il y a, un obstacle à cette application. D'accord. Donc, le prophète, il a pardonné Oussama, il ne l'a pas tué en raison de la mort de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris, il a fait ce qu'on appelle ta'wil. Et le ta'wil, c'est un obstacle à l'application du... Il a mal compris, d'accord? Et puis, il y avait Sariyat Ghalib al-Laythi vers Ben al-Malouh. Le prophète, il a envoyé une expédition sous le commandement de Ghalib al-Layti. On est toujours dans l'année, maintenant on est dans l'année 7 de l'Hégire. À Bani al-Malouh, dans une région qui s'appelle Kadid. Et ils arrivèrent à un endroit qui est près de Médine, qui s'appelle Qudayd. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils trouvèrent un homme qui s'appelle Harith ibn Malik. Et ils l'ont pris. Et il leur dit, je suis venu en tant que musulman. Et Ghalib al-Layti, l'émir de cette expédition, il a dit, si tu es musulman, la garde d'une nuit et d'une journée dans le sentier d'Allah ne te fera aucun mal. Tu es musulman, tu vas nous aider. Et il a demandé à un homme qui était noir, à être avec lui. C'est-à-dire, il lui a dit, surveille-le. S'il dispute avec toi, tu peux le tuer. Il veut s'assurer que c'est un vrai musulman. Et puis ils s'avancèrent jusqu'à arriver au bas de Al-Qadid, la région. Et puis ils envoyèrent Jundub ibn Makit al-Juhani. Durant cette expédition de Ghalib al-Layti, l'émir il a envoyé l'un des compagnons qui s'appelle Jundub ibn Malik al-Juhani. Et pour commettre l'erreur, il a voulu s'attaquer à Bani al-Malouh. À s'attaquer à ces gens-là, mais avant, l'émir il a envoyé un des compagnons pour comme éclaireur, pour scruter les lieux, parce que ces gens-là, ils attendaient une expédition, ça veut dire ils savaient qu'ils vont être punis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les tribus maintenant, ils s'attendaient à la punition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont participé à l'Ahzab, etc. Donc, Avant que toute l'expédition, que toute la troupe, il se peut qu'il tombe dans une embuscade, donc il a envoyé cet éclaireur-là. Cet éclaireur, il a monté une colline. Et juste derrière la colline, il y avait les gens de cette cité, de Bani al-Malouh. Au pied de la colline, près de lui. Et c'était au coucher du soleil. Et lui, il s'est blotti comme ça, il s'est mis par terre. Et puis, il regardait l'un des hommes, l'un des gardiens. il les regardait. Et puis la personne, il regarde comme ça, puis il a dit, lui, Jundub, radiallahu anhu, ils entendaient ce que disait l'homme, tellement ils étaient proches. Il a été surpris de les voir juste en bas, derrière la colline. Et puis l'homme, il a dit, cette silhouette, je ne l'ai pas vue ce matin. Il parlait à sa femme, il y avait sa femme à côté de lui. Et puis il a dit, est-ce que l'un de tes chiens, il a pris un de tes sacs ou il a pris quelque chose qui nous appartient, il l'a traîné jusque là-bas. Il a vu, il a cru que c'est un chien. Et puis la femme, il est rentré, il a dit, non, il n'y a rien qui manque. Et puis il a dit, ramène-moi ma flèche et ramène-moi mon arc. La personne, il le regarde comme ça, il ne peut pas bouger, parce que s'il bouge, c'est une menace pour ses frères qui sont juste derrière. Donc lui, il est comme une statue, comme ça, il entend ce qu'il dit. Et puis la femme, elle ramena la flèche, ramena l'arc, et puis il l'a visé. Et il le frappa, il le toucha à l'épaule. Et Jundub, radiallahu anhu, il a reçu le coup, mais malgré ça, il n'a pas bougé. Et discrètement comme ça, il enleva la flèche de son épaule. Et il resta comme ça. Et puis la personne le regarde, rien n'a bougé, puis il dit, ramène-moi une autre flèche. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Deuxième coup, il a reçu la flèche et il est resté comme un marbre, il n'a pas réagi. Subhanallah, la patience des compagnons, comment ils ont dû une flèche qui le transperce l'épaule et malgré ça, pour ne pas que ses frères soient tués, pour ne pas que l'ennemi les découvre comme ça et qu'il donne le signal d'alarme. Il a supporté. Puis la personne l'a dit à sa femme, il a dit, si c'est un être vivant, je ne l'ai pas raté. Je n'ai pas raté ma cible. Donc c'est sûrement quelque chose d'inerte. Et puis il est rentré dans son camp. Et puis, Jundub radiallahu anhu, il alla directement vers l'émir et il lui a fait le récit de ce qui s'est passé, qu'ils sont juste derrière. Et puis ils ont attendu, les compagnons ont attendu jusqu'à la nuit et ils les attaquèrent. Ils les tuèrent quelques-uns et prirent le bétail. Et ceux qui ont pris la fuite, le groupe qui a pris la fuite, ils ont crié au secours, au secours, au secours. Et puis toute la tribu s'est soulevée. Tous ils ont pris leurs armes, et ils sont mis à la poursuite de Ghalib al-Layth, de Jundub et des compagnons du prophète. Ils sont mis à la poursuite pour les rattraper, pour récupérer leur bétail et le butin qu'ils ont pris. Et les compagnons, ils n'étaient pas nombreux et en plus le bétail les retardait. Les vaches, vous l'avez dit, ils les retardaient. Donc comment ils doivent faire? Les autres se sont lancés à leur poursuite, nombreux avec leurs armes. Les compagnons, leur bétail les retardaient, ils traînaient le butin qui est lourd. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pleuvoir. Il a fait pleuvoir des torrents de pluie. Et l'eau, il a coulé sur un lit. Et puis il a séparé entre les gens de Bani al-Malouh, de Al-Kadid, les ennemis, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tout un wad, un fleuve entre eux. Et subhanallah, ils ont échappé. Il a dit, entraîne le bétail tranquillement. Et eux, ils l'ont regardé comme ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ont ramené tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud al-Haythami al-Tabarani. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé encore une autre expédition. Maintenant, les punitions, les compagnons retrouvèrent la force. Et pour le Prophète, maintenant, il punit tous ceux qui ont participé à l'Ahzab. Et arrivé à une plaine, c'est une expédition qu'a envoyé le Prophète, arrivé à la plaine de Idem, ils rencontrèrent un homme qui s'appelle Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i. Et il était sur sa monture. Il leur a fait salam, tahiyyat salam, il a dit salamu alaykum. Et puis, il y avait un homme parmi les compagnons qui avait des dissensions avec cet homme-là. Il y avait de la haine, etc. Et puis cet homme-là, il a chargé Amir ibn al-Adbat et il l'a tué. Bien qu'il ait dit salamu alaykum. Il l'a tué et puis il a pris sa monture et il a pris ses affaires. Il a dit il y avait des problèmes entre moi et lui, des problèmes de tribaux, des problèmes anciens. Et il l'a tué, bien qu'il l'ait dit, assalamu alaikum. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé de ceci, Allah lui révéla, Ya ayyuha allazina amanu, idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama, ou wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama, lasta mu'mina turidu arada al-dunya, wallahu, indahu maghanimu kathira. Allah subhanahu wa ta'ala il révèle au prophète sallam, oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, enquérez-vous avec soin et ne dites pas à celui qui vous lance la paix, tu n'es pas un croyant. Convoit-on les biens de la vie d'ici-bas? Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butins. Ainsi étiez-vous naguère, puis Allah vous a accordé sa grâce, enquérez-vous donc avec soin. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. أي الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. C'est-à-dire, soyez clair, il faut être clairvoyant. Il faut être sûr. Une personne il vous a dit salam, ça y est, vous ne devez pas le tuer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset-là pour condamner l'action de cet homme-là qui s'appelle Mahlam ibn Jusama. Donc le hadith il est rapporté par Ahmed et par Ibn Hisham dans sa sirah. Et le Bukhari, il rapporte que selon Ibn Abbas, que la troupe, que c'était une troupe de musulmans qui ont rencontré un homme avec un troupeau de moutons, qui il leur a dit salam, mais ils n'ont pas pardonné, ils l'ont tué, ils ont pris son troupeau. Et selon d'autres versions, c'est le Miqdad qui a tué cet homme-là. Donc, ça concernant cette saria. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle Ghazwat Dhat al-Riqa'. Le prophète sallam est allé lui-même dans cette expédition. Ghazwat Dhat al-Riqa' vers les Bani Tha'labah de Ghatafan. Toujours Ghatafan. Il faut casser cette Ghatafan et son fou obéi qui est Uyayn ibn Hasan. Qu'à chaque fois il vient pour aider les ennemis d'Allah contre le prophète sallam. Donc je dis que cette ghazwa a eu lieu après Khaybar. Selon le Bukhari, Ibn Kathir, Ibn Hajar, Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad. Donc, cette expédition, cette razwa a eu lieu après Khaybar. Les Bani Muharib, comme j'ai dit, ils ont essayé de se préparer pour combattre le Prophète sallam. Le Prophète sallam, il a eu la nouvelle que ces gens-là, qui se trouvent dans Bani Tha'labah, ils s'apprêtaient à combattre le Prophète sallam. Et lui-même, il a dit, c'est nous qui vont les combattre, c'est nous qui vont les attaquer. On ne va pas les attendre jusqu'à venir nous combattre. Et pourquoi il fut appelé Dhat al-Riqa'? Vous savez ce que ça veut dire, Riqa'? Riqa', c'est... Riqa', ça veut dire rapiécer, raccommoder. Rapiécer, Riqa', dans le tissu. Riqa', on appelle ça Riqa'. Abu Moussa al-Ash'ari, Abu Moussa, qui est venu de l'Abyssinie. Maintenant, il a participé à cette bataille de Dhat al-Riqa'. Et ça, c'est une preuve comme quoi Dhat al-Riqa' il est après Khaybar. Parce que Abu Moussa, lui, il en parle, il a dit, nous sortîmes à une ghazwa avec le messager d'Allah. C'est ça qui a poussé les grands savants, à savoir le Bukhari, à savoir Ibn al-Kathir, etc., que Dhat al-Riqa' est venu après Khaybar, parce que les rapporteurs de la Sira, ils disent qu'il a eu lieu avant Khaybar. Donc ça, c'est un argument solide comme quoi Dhat al-Riqa' a eu lieu après Khaybar, par la participation d'Abu Moussa al-Ash'ari, qui n'est venu à Khaybar qui n'est venu à Médine qu'après la prise de Khaybar. Il a dit, nous sortîmes à une ghazwa avec le messager d'Allah et nous étions six, un groupe de six. Enfin, six, ça veut dire pas toute l'expédition. Six, c'est juste leur groupe à eux. Ils parlent de son groupe à lui. De son groupe à lui. Ils étaient six. Il a dit, nous ne disposions que d'un seul chameau sur lequel nous nous relayons à tour de rôle. Allah, il a voulu que dans cette ghazwa, ils n'ont pas emmené beaucoup de montures. Donc ils se relayaient sur un seul chameau. Et nos pieds, ils ont souffrir. Il a dit, et les miens aussi, au point que les ongles de nos orteils, les ongles des orteils des compagnons tombèrent. Des jours de marche, ils se relayaient sur, six personnes se relayaient sur un seul chameau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enveloppé leurs pieds avec ce qu'on appelle les bandes de tissu, les étoffes, différentes pièces, riqa. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça riqa, ghazwat dhat al-riqa. C'est-à-dire, ils mettent riqa, des bandes de tissu, différentes bandes de tissu. Comme ça, ils couvraient leurs pieds parce qu'ils étaient tellement blessés par la marche. Et donc, c'est pour ça qu'il fut appelé Razwat Zat al-Riqa. D'autres ont dit que c'est un arbre. C'est vrai, il y a un arbre qui s'appelle Riqa et qu'ils sont descendus dans un endroit où il y avait ce genre d'arbre qui s'appelle Riqa. Et d'autres, ils ont dit qu'ils ont rapiécé leurs drapeaux. Que les drapeaux, ils ont été déchirés, ils les ont rapiécés, c'est pour ça qu'on l'appelle. D'autres ont dit que la terre qu'ils ont attaquée, elle est formée d'endroits de différentes couleurs. Et c'est comme s'il est rapiécé. Donc les savants, ça a différentes causes. Ibn Hajar, il a dit, ils peuvent, tout ça, c'est, ça veut dire que le fait, il se peut qu'ils ont fait, ils ont entouré leurs pieds de Riqa, et en même temps, il se peut qu'ils ont en même temps trouvé des arbres qui s'appellent Riqa. Et au cours de cette bataille, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une tentative, des gens, ils ont tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont profité de l'occasion. Les Bani Sa'laba, ils ont profité de l'occasion, le prophète sallam, il dormait, et il accrochait à une épée sur un arbre, et puis un homme qui s'appelle Rawras ibn al-Haris, il prit l'épée et il dit au prophète sallam, qui te protégera contre moi? Et le prophète sallam lui a dit, Allah le puissant, le glorifié, Allah azza wa jal. Et quand il a dit Allah, l'épée il tomba de la main de cette personne. Et le prophète sallam a récupéré son épée et il a dit à cet homme-là, à l'associateur, qui te protégera contre moi? Et là, l'homme, il a dit au prophète sallam, sois indulgent. Et puis le prophète sallam a dit, tu témoignes, la ilaha illallah? Il a dit non, mais je m'engage à ne plus jamais te combattre. Et il a rejoint ses autres associateurs, ses compagnons. Il a dit, je vous ai venu du meilleur des hommes. Hadith, il est rapporté par le Bukhari. 4136 et musulmans. Donc il y avait un événement qui est pareil à ça. Donc, on en a parlé au début de la sira. Ghazwat de Amr. Je crois que c'est ça. Ghazwat de Amr. Maintenant, est-ce que cette version est da'if, c'est-à-dire est faible, Allahu a'lam. Mais je crois que l'un des grands savants, Ibn Hajar, il a dit, il se peut que la même histoire s'est passée deux fois. Il se peut que cette histoire-là, où l'homme il a pris l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il te protège, il s'est répété. Donc, il s'est passé dans la bataille de Amr et dans la bataille de Zat al-Riqa. Mais ça, c'est un hadith authentique, le Bukhari. Donc, et durant même cette bataille, les associateurs, ils ont attendu que les musulmans fassent la prière pour les attaquer. Ils ont voulu qu'ils fassent d'abord... qu'en étant prosternés, ils ont dit, nous allons les attaquer. Et puis, le prophète sallam, il a fait ce qu'on appelle salat al-khawf. La salat du combattant, la salat, c'est une salat spéciale, c'est une prière spéciale. On en a parlé dans la bataille de... Quelle bataille on a parlé de ça? Où la première fois où a été instaurée la prière du combattant. Donc ça a été déjà instauré, cette prière du combattant, ça a été déjà révélé au professeur sallam. Le professeur sallam l'a fait ici maintenant. Et là, les associateurs, ils ont dit maintenant qu'il a fait ça, qu'une partie a fait la prière derrière le professeur sallam, une autre partie, il montait la garde, donc on ne peut pas les attaquer. Et durant aussi cette bataille d'At al-Riqa, durant cette razwa, il y a eu un échange de tirs, il y a eu un combat et ils ont tué une femme associatrice. Est-ce que cette femme, elle a participé et il a engagé les... Parce qu'il n'est pas autorisé de tuer les femmes dans la guerre, mais dans un combat. Mais si cette femme, il pousse les hommes à combattre et il participe avec eux, il est autorisé de la tuer. Et il se peut que les chevaux des musulmans l'ont piétinée. Et le mari de cette femme, il a voulu venger la mort de sa femme, et il a dit, je ne vais pas retourner chez moi, sauf si je me venge, je tue l'un des compagnons, quelques compagnons de Mohammed. Alors à mi-chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi son camp, et demanda, qui va assurer la garde, cette nuit? Et c'était Ammar ibn Yasser, l'un des émigrants, muhajirin. Et l'Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhuma, qui est un ansarite. Puis l'Abbad, il a dit à Ammar, les deux vont sont mis volontaires pour assurer la garde. L'Abbad, il a dit à Ammar, quelle partie de nuit tu préfères? c'est-à-dire tu veux te reposer le début ou à la fin? Il a dit, moi je préfère le début, je vais me reposer le début de la nuit. Et Abed ibn Bishr, il a assuré la première partie, la garde la première partie de la nuit. Et quand il a senti que c'est tranquille, il n'y a aucune menace, il a voulu réunir les deux adorations, à savoir l'adoration de Rebat, fi sabilillah, la garde dans le sentier d'Allah, et en même temps Qiyam al-Layl, et en même temps la prière. Il a voulu avoir les récompenses de ces deux grandes adorations. Le prophète sallam, quand il dit Rebat, « Yawmin wa layla khayrun min siyam shahrin » وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حديث rapporté par مسلم. Monter la garde dans le sentier d'Allah en un jour et une nuit vaut mieux que de jeûner un mois et d'en veiller toutes les nuits à adorer Allah. Et si on meurt durant sa garde, on reçoit le salaire de ce qu'on faisait et on obtient la subsistance promise aux martyrs. Et on est à l'abri du fatan. Ça veut dire les anges qui posent la question à la personne dans sa tente. Il est à l'abri, celui qui fait ribat fi sabilillah, qui monte la garde pour défendre ses frères dans le jihad. Avec son épée ou avec... son fusil ou avec son char ou avec fi sabilillah, il a cette grande récompense. Donc lui, il a voulu réunir les deux. Il a voulu réunir les deux. Et puis l'associateur, il est arrivé. Il a vu la personne et puis il a pris son arc, une flèche, et puis il l'a tiré. Et il a atteint Abed ibn Bishr radiallahu anhu. Et il a continué sa prière. Et il l'a tiré une deuxième fois, et il l'a atteint, et il a continué sa prière, subhanallah. Et ce n'est qu'à la troisième fois qu'il a réveillé son compagnon, il a réveillé Ammar ibn Yasir. Le sang il coulait, il était toujours debout quand il a reçu le coup de, quand il a été blessé. Et puis il a fait recours à sujoud, il a terminé vite sa prière et il alla voir, il réveilla Ammar ibn Yasir. Puis Ammar ibn Yasir dit, subhanallah, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé dès le début? Il a vu l'état où il est, plein de sang. Il a dit, j'étais en train de lire une sourate et je n'ai pas voulu l'interrompre. Il a dit, par Allah, si ce n'était pas par peur de l'ennemi ou que l'ennemi l'attaque, n'attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais continué jusqu'à ce qu'il interrompt mon âme avant que j'interrompe la lecture. Subhanallah, comment il a été touché par la parole d'Allah, comment la parole d'Allah il a eu un effet sur les gens, sur les compagnons, radiyallahu anhum. Le hadith il est rapporté par Ahmed selon Jabir. Là, quand ils ont, durant cette bataille, il y avait une anecdote, c'est l'histoire du chameau de Jabir, radiallahu anhu. Cette histoire, c'est quoi? C'est que durant cette razwa, Jabir était sur un chameau, et le chameau, il est épuisé, maigre, et il retardait toute la troupe. Tout le monde le dépassait, et lui, il reste toujours derrière. Puis le prophète, quand il a vu... Comme ça, il est allé le voir, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Jabir? Il a dit, envoyé d'Allah, mon chameau me retarde et il se fatigue très vite. Et le prophète sallam, il a dit, fais-le s'agenouiller. Anir. Il l'a fait agenouiller, puis il a pris un bâton comme ça, pointu, et il donna quelques coups des piqûres au chameau. Il lui dit, monte maintenant, monte ton chameau. Et Jabir, il a dit, par celui qui a donné à son envoyé le message de vérité, mon chameau s'est mis à dépasser tout le monde, que je suis obligé à chaque fois de le ralentir pour pouvoir converser calmement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est devant tout le cortège et il est obligé à chaque fois de retarder son chameau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu me vendre ton chameau? Il a dit... Il est à toi, envoyé d'Allah. Il est à toi. Je te l'offre. Le prophète sallam dit non, vends-le-moi. Et quand Jabir il a su que le prophète sallam a voulu marchander avec lui, il lui a dit propose un prix. Il a dit je le prendrai pour un dirham. Ah, il dit, non, non, on va y aller. Soit tu le prends, soit parce que c'est trop peu me donner un dirham pour un samour pareil, c'est trop peu me donner. Et le professeur lui dit, 2 dirhams. Non, non, et puis le professeur à chaque fois, il ajoute, jusqu'à arriver ce qu'on appelle Oqiyah, à peu près 40 dirhams. Il continue à augmenter jusqu'à 40 dirhams. Il a dit, j'accepte. Il a dit, je le prends. Le professeur lui a dit, je le prends. Bé'a ou sera. Que les deux, chaque, le vendeur et l'acheteur, il accepte. Et puis le professeur Salam a dit, Jaber, es-tu marié? Il a dit oui. Il a dit, est-ce une femme qui avait été déjà, déjà été mariée ou une femme vierge? Il a dit une qui avait été déjà mariée. Il a dit, pourquoi pas une jeune fille avec qui tu joueras, qui jouera avec toi? Il a dit, envoyé d'Allah, mon père a été tué le jour de Uhud. On sait que son père, Jabir ibn Abdillah, ibn Haram, qui a participé à la bataille de Uhud, il a été tué. Il a dit, il m'a laissé 7 filles. Il m'a laissé 7 filles, de sorte que j'ai épousé une femme maternelle qui veuille les rassembler autour d'elle, coiffer leur chevelure et répondre à leurs besoins. Il a dit, j'ai préféré une femme qui soit mûre, une femme qui soit maternelle. Et puis arrivé à Médine, Jabir prit le chameau et le fit agenouillé près de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est maintenant, l'acte a été fait, la vente et l'achat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'accepte, Jabir a dit j'accepte, et il a fait agenouiller le chameau près de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Bilal, il a dit viens, il a dit pèse pour lui uqiyat dhahab, ça veut dire 40 dirhams à peu près. Il a pesé pour lui cette quantité d'argent et il l'a donné à Jabir. Et quand Jabir s'est apprêté de revenir chez lui, puis le professeur Salam l'appela. Il le rappela. Il a dit, viens. Prends ton chameau, il est à toi et garde le prix qu'on a payé pour toi. Parce qu'il a vu sa situation, il a dit, garde le chameau et cet argent qu'on t'a donné, il est aussi à toi. Donc il y a des leçons beaucoup à tirer de ce hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 2097, et par Ibn Kathir et par d'autres. C'est qu'il est autorisé de marchander. Il est autorisé de faire le moussawama, augmenter, baisser les prix, etc. Et que le paiement n'est pas une condition d'authenticité de l'acte de vente. Parce que le prophète n'a pas payé. Quand il a marchandé le prix du chameau, il n'a pas payé. Mais Jabir, il a ramené le chameau jusqu'au professeur Salam. Ça y est, l'acte a été fait. Hein, d'accord. L'une des conditions, c'est que tu vends la chose que tu possèdes. Tu ne vends pas quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Là, c'est une des conditions du prix. Et que l'émir doit toujours veiller sur sa troupe. Il doit les aider. Il doit voir leur état. Regarde, quand Jabir, il a retardé tout la troupe, l'expédition, le professeur Salam est allé le voir. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a autre chose qu'il est... Il est autorisé de piquer la bête pour la pousser à marcher. Il y a aussi le respect de son émir. Il est aussi autorisé d'ajouter au prix si le vendeur l'accepte. Par exemple, si on est convenu pour quelque chose, il a dit je t'ai vendu quelque chose ou tu m'as vendu quelque chose et que je t'ai payé, il est autorisé que j'ajoute à ce prix-là. D'accord? Ça ne fait pas partie de riba. Mais il faut que la personne qui achète accepte. Et il ne faut pas qu'il y ait derrière ça l'intention de corrompre la personne. D'accord? Comme le professeur Salam, il a acheté avec 40 dirhams au qiyah, mais il a ajouté, il a dit à Bilal, ajoute encore, ajoute un peu dans le poids de l'or. D'accord? Il est autorisé de faire ça. Et aussi le mérite de Jabir, qui a accepté de vendre le chameau, bien qu'il en ait besoin. Et il y a aussi le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a suffi qu'il touche le chameau, même s'il soit vieux et dans un état lamentable, c'est un miracle. Et il y a aussi la procuration, ce qu'il a fait, la procuration à Bilal. Et la prochaine fois, on va parler de Umrat al-Qada, ou Umrat al-Qadiyya, ou Umrat al-Sulh. La Umrat de la compensation, parce que la semaine prochaine, inshallah, si on est vivant, c'est un an déjà s'est écoulé, l'année 7 de l'Hijra, Dhul-Qa'da, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'Umrah.